Russie, échappée de plaine de l'hiver, avec des matous dans la gorge et la mer au large du cœur. Les jolies griffes de pluie par l'escalier de chêne brun, on s'en allait en pèlerinage dans le ciel de Notre-Dame du Nord. Sur le piano, au fil des gammes, au fil des jours, des îles noires et des chansons, sous le portrait du dernier tsar. Comme chez la Jeanne de Brassens, en se poussant un peu du cœur, chacun se trouvait une place dans la chaleur de ses chansons. Faut dire qu'elle cherchait son enfance dans une bouteille d'eau de vie. Juste un sourire de tendresse quand un amant sur la photo faisait revivre un vieux baiser que je t'aime sur ses lèvres oubliées. Vacances au soleil du piano, dans les bras de Chopin, en rêve.